c'est pas la joie, on garde le sourire. Même si certains veulent te voir périr. Je parle de mon autre monde à un psy. Psychologue. Mais c'est lui qui s'est suicidé. Collègue. Tu sais, je suis noir depuis l'époque. J'écoutais à ça, mon refaux star à cause d'une pute. J'avais 10 ans, je comprenais pas, je le voyais plus du tout à la casa. J'ai basculé, je suis tombé dans étant petit. Mais mon Bélix s'est fait trouer, Astérix devient toxico. Petit gringalet avec des doutes, fait des choses que personne fait. Tout le monde lui léchera les couilles. J'ai grandi mais t'es plus là, et je viens te voir au parloir. T'as changé, t'as pris de l'âge, quand tu vas sortir je prends le relais. À l'époque ceux qui parlaient sur toi, je t'avoue on se la foutait. La vérité sort de la bouche des gosses, ils racontent des sottises. Quand je fuguais, je me rappelle ma mère se faisait un sang d'encre. Maintenant c'est moi qui le crache, la roue à tout. Maman, on s'est senti comme rejeté, ouais, par des soi-disant frères. Et vu que t'es dans mon cœur, pour toi je prendrai 10 ans ferme. J'ai mis les pieds en enfer, les neurones je me les brûle. Je vous amènerai au paradis, car ils m'ont dit que j'étais fichu. C'est pas la joie, on garde le sourire. Même si certains veulent te voir périr. Je parle de mon autre monde à un psychologue. Mais c'est lui qui s'est suicidé. Collègues. Avec le temps je fais des rencontres, c'est même plus des collègues, c'est devenu des frères. Si j'en perds un demain je sers, j'ai que dans mon cœur et je vais pas les lâcher. N'oublie jamais d'où tu viens, car c'est de là que t'as commencé. La vie c'est pas romantique, des droites des gauches ça on le sait. C'est pas de simples cicatrices banales qui nous font des ulcères. Alors mon rêve t'es sorti, et ça ouais c'était sûr. Pour toi je me tiens pas à carreau et je remets une tête au carré. Ce que j'écris je le ressens, l'adrénaline est dans le sang. Une seule suffit pour un chaos, ça je vais pas te faire un dessin. T'es dans mon cœur, je te remonte, ils t'ont touché, je les descends. T'es pas dedans, tu traces ta route, j'ai déjà assez perdu de sang. J'ai pas lâché, j'écris toujours, la nuit ou le matin. Je suis en contact avec des choses bizarres qui font que je suis pas moi-même. Personne m'attend à la maison, et je mange plus, on voit mes os. Ils m'ont répété que c'est fichu, là j'entends plus la voix de mes anges. Et pourquoi je rappe, pourquoi je rappe, maman je rate à chaque fois le virage, et je comprends pas. Je crois qu'on m'a bousillé les freins, là j'ai des bâtons. Le moteur j'ai fait que le noyer, merde c'est embêtant. Un conseil, ne regarde pas derrière, toujours devant. Les obstacles on franchira, même si on doit se casser une jambe. Je m'intéresse plus à la vie depuis qu'elle m'a laissé comme ça. En grandissant j'ai touché à tout, c'est le pif qui veut ça. Porte les nez, peur de personne, taf jusqu'à que ton heure sonne. Mais fais le bien autour de toi, car toi seul est la clé de sol. Porte les nez, peur de personne, taf jusqu'à que ton heure sonne. Je vois le mal autour de moi, j'aurais préféré être aveugle. C'est pas la joie, on garde le sourire. On garde le sourire. Même si certains veulent te voir périr. Veulent te voir périr. Je parle de mon autre monde à un psy. Un psychologue. Un psychologue. Mais c'est lui qui s'est suicidé. Qui s'est suicidé. Collègue. C'est pas la joie, on garde le sourire. On garde le sourire. On garde le sourire. Même si certains veulent te voir périr. Veulent te voir périr. Je parle de mon autre monde à un psy. Un psychologue. Un psychologue. Mais c'est lui qui s'est suicidé. Qui s'est suicidé. Collègue. Collègue.